Tu me files une bière? Une bière, ouais, forte. Ouais, ok, ouais. Et chouette celle-là. Ok, 2, 2, 3, 5!